Saint Augustin, de la continence. Chapitre 12. Fausse continence des manichéens et des hérétiques. Ces observations sur la continence véritable suffisent pour convaincre de fausseté la continence des manichéens. Et cependant, à les en croire, le travail à la fois utile et glorieux de la continence, alors même qu'elle dompte et enchaîne les voluptés immodérées et illicites de notre corps, loin d'imprimer une répression salutaire à cette partie infime de nous-mêmes, ne ferait que diriger contre elle une guerre de préjugés, une vaine hostilité. Il est vrai que le corps est d'une nature différente de celle de l'âme, mais il n'entre pas moins dans la nature de l'homme. L'âme sans doute n'est pas formée d'un corps, mais l'homme est formé à la fois d'un corps et d'une âme, et, quand Dieu nous sauve, il sauve à la fois notre corps et notre âme. Aussi est-ce l'humanité tout entière qui a été revêtue par Jésus-Christ, daignant racheter en nous tout ce qu'il y avait créé. Niez-vous cette vérité, si vous la niez, que vous sert-il d'enchaîner vos passions, si toutefois vous les enchaînez? Quelle pureté, pensez-vous, peut produire en eux une continence qui est elle-même impure et qui ne mérite rien moins que le nom de continence? Ce qu'ils éprouvent à ce sujet ne peut être que l'effet de l'inspiration du démon et la continence, n'est-ce pas un don de Dieu? De même, il ne suffit pas de souffrir ni de supporter la douleur avec patience, pour s'autoriser à dire que l'on possède la vertu de patience, car elle aussi, cette vertu, ne peut venir que de Dieu. Beaucoup d'hommes s'exposent à d'affreux tourments pour ne pas se trahir dans leurs crimes, ou révéler leurs complices, beaucoup, pour satisfaire de violentes passions, pour se procurer ou conserver ce qui pour eux est l'objet d'un amour criminel, beaucoup, pour soutenir des erreurs pernicieuses dans lesquelles ils sont étroitement enchaînés. Prétendre que tous ces hommes possèdent la véritable patience, n'est-ce pas une erreur? De même, il ne suffit pas de contenir ou de réprimer vigoureusement les passions de la chair et de l'esprit, pour se donner le droit de conclure que l'on possède cette continence dont nous faisons ressortir la gloire et l'utilité. Les uns, en effet, c'est à n'y pas croire, se contiennent par leur incontinence même, cette femme, par exemple, qui évite son mari pour remplir le serment qu'elle a fait aux complices de ses adultères. D'autres se contiennent par l'injustice, tel est l'époux qui refuse le devoir conjugal à son épouse et réciproquement, sous le prétexte que lui ou elle peut vaincre cette inclination. D'autres se contiennent trompés par une foi mensongère, par une fausse espérance ou de vains désirs. Dans cette classe nous devons ranger les hérétiques et tous ceux qui, sous un nom religieux, se laissent séduire par l'erreur. Leur continence serait vraie, si leur foi l'était, mais comme leur foi est erronée, leur continence ne peut qu'être fausse et ne mérite pas même d'être appelée continence. En effet, cette continence qui nous paraît si justement un don de Dieu, dirons-nous qu'elle est un péché? Une telle folie soulèverait dans nos cœurs une profonde indignation. Cependant, selon l'apôtre, ce qui ne vient pas de la foi est un péché. Romains 14, 23. Donc toute continence qui ne repose pas sur une foi véritable, ne mérite même pas le nom de continence. Il est aussi des hommes qui, tout en servant les démons, s'abstiennent des voluptés corporelles pour s'abandonner plus librement à d'infâmes plaisirs dont l'ardeur les dévore. Je veux éviter les longueurs, mais comme je dois parler, je ne citerai qu'un exemple. On voit des hommes éviter tout contact avec leurs épouses, et recourir à la magie pour jouir de femmes étrangères. Quelle étrange continence, ou plutôt quelle corruption, quelle infamie. Supposer la continence véritable, si un époux enchaîne en lui-même les mouvements de la concupiscence, ce sera pour éviter l'adultère et non pour s'y abandonner. En effet, le propre de la continence conjugale, c'est de donner une certaine satisfaction à la concupiscence charnelle, mais en y apportant une certaine modération, de la contenir dans la sphère conjugale, et d'y garder un mode approprié, soit à la faiblesse de l'autre époux, selon la condescendance dont parle l'apôtre 1 Corinthiens 7, 6, soit à la génération des enfants. Cette génération, de la part des pères et des mères guidés par l'Esprit de Dieu, a toujours été l'unique motif du devoir conjugal. En agissant ainsi, en modérant, et, pour ainsi parler, en limitant aux époux la concupiscence de la chair, en fixant des bornes à ses mouvements inquiets et désordonnés, l'homme fait un usage légitime de ce qui est mal et veut en faire sortir le bien. En cela il imite Dieu lui-même qui se sert des hommes mauvais pour aider à la perfection des justes. Chapitre 13. La continence du corps et de l'esprit. C'est de la continence que l'Écriture a dit, « Le propre de la sagesse est de savoir par qui ce don nous est fait. » Sagesse 3:21. Gardons-nous donc d'en gratifier ceux qui, en restant continents, s'abandonnent à l'erreur, ou n'étouffent certaines cupidités plus légères que pour s'abandonner à des satisfactions plus grandes. Toute continence véritable nous vient du ciel, et loin de substituer le mal au mal, elle se propose de guérir le mal par le bien. Étudions brièvement son action. Réprimer et guérir toutes les délectations de la concupiscence contraire à la délectation de la sagesse, telle est la fonction de la continence. C'est donc ne pas en comprendre toute l'extension que de prétendre qu'elle se borne à comprimer les passions corporelles. Il est plus exact de dire qu'elle a pour effet de gouverner les passions ou la cupidité en général, sans se restreindre à la cupidité corporelle. Ce vice de la cupidité réside aussi bien dans l'esprit que dans le corps. En effet, si la cupidité du corps se manifeste par la fornication et l'ivresse, n'est-ce pas dans les émotions et le trouble de l'esprit, plutôt que dans les voluptés du corps, que résident les inimitiés, les divisions, la jalousie, la haine? Toutefois l'apôtre désigne toutes ces œuvres sous le nom d'œuvres de la chair, sans distinguer si elles procèdent de l'esprit ou du corps, car il désigne l'homme sous le nom de chair. Galates 5:19-21. En effet, on appelle œuvres de l'homme celles qui ne viennent pas de Dieu, parce que, en tant qu'il les accomplit, l'homme suit ses propres inspirations et non celles de Dieu. Mais il est d'autres œuvres de l'homme que l'on devrait plutôt appeler œuvres de Dieu. Car, dit l'apôtre, c'est Dieu qui opère le vouloir et le faire, suivant son bon plaisir. Philippiens 2:13. De là aussi ce mot, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, sont ses enfants. Romains 8:14. Voilà pourquoi l'Esprit de l'homme, en s'attachant à l'Esprit de Dieu, convoite contre la chair, c'est-à-dire contre lui-même et pour lui-même, car, en enchaînant en vue du salut les mouvements qui flattent l'homme et non pas Dieu et qui sont l'effet de la langueur acquise, il travaille à vivre selon Dieu et à pouvoir dire, « Je vis, non pas moi, mais Jésus-Christ en moi », Galates 2:20. Car détruire le moi, c'est le rendre plus heureux, et quand un mouvement humain s'élève dans l'homme et y rencontre la résistance de l'esprit, soumis à la loi de Dieu, à pouvoir dire encore, ce n'est pas là mon œuvre. Romains 7:17. À des âmes qui en étaient là, L'apôtre adressait les paroles suivantes, que nous devons entendre comme étant membres de leur société. Si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, cherchez ce qui est au ciel, où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, goûtez les choses surnaturelles et non les choses terrestres, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Quand Jésus-Christ, votre vie, aura apparu, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Comprenons à qui l'apôtre adresse ses paroles, ou plutôt écoutons les plus attentivement. Quoi de plus explicite? Quoi de plus formel? Saint Paul parlait évidemment à des hommes ressuscités avec Jésus-Christ, non pas d'une résurrection charnelle, mais spirituelle. Il parlait à des hommes qu'il dit morts et qui n'en sont que plus vivants, car, dit-il, notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. De ces morts, voici le cri, je vis, non pas moi, mais Jésus-Christ en moi. Eh bien, c'est à ceux dont la vie est cachée en Dieu qu'il donne cet avertissement, qu'il adresse cette exhortation, de mortifier leurs membres qui sont sur la terre. Mais peut-être hésiterez-vous à croire que ces injustes sont encore obligés de mortifier leurs membres extérieurs et sensibles. Écoutez donc ce que dit l'apôtre, mortifiez vos membres, la fornication, l'impureté, la division, la concupiscence mauvaise et l'avarice, qui est une véritable idolâtrie. Mais de là conclurions-nous que ces hommes qui étaient morts à eux-mêmes, dont la vie était cachée avec Jésus-Christ en Dieu, se rendaient encore coupables de fornication, qu'ils se livraient encore aux mœurs et aux actions impures, qu'ils s'abandonnaient encore aux troubles de la concupiscence mauvaise et à l'avarice. Une telle conclusion serait une insigne folle. Que, doivent-ils donc mortifier, par la continence? N'est-ce pas ces mouvements qui s'élèvent d'eux-mêmes en nous, sans aucun consentement de notre volonté, sans aucune action correspondante de nos membres? Et comment la continence peut-elle atteindre ces mouvements et les mortifier? N'est-ce pas en leur refusant le consentement de l'esprit et toute participation des membres? N'est-ce pas surtout en exerçant la vigilance la plus continuelle jusque sur la pensée elle-même? En effet, cette pensée, nécessairement obsédée par le charme et la séduction des mouvements de la concupiscence, doit pourtant leur refuser toute délectation volontaire et trouver un plaisir plus grand à s'élever vers les choses supérieures. Si donc elle nomme encore ces mouvements dans son langage, ce n'est pas pour qu'on s'y complaise, mais pour qu'on les repousse avec horreur. Voulons-nous qu'il en soit ainsi? Écoutons avec une bonne volonté, et avec l'aide de celui qui nous l'impose, ce précepte apostolique, cherchez ce qui est d'en haut, là où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, goûtez les choses du ciel et non les choses de la terre. Chapitre 14. Ne cessez de lutter contre les vices de la chair. Après l'énumération de tous ces vices, l'apôtre ajoute, c'est pour en tirer vengeance, que la colère de Dieu est tombée sur les enfants de l'infidélité. Sous les coups de cette erreur salutaire, comment croire encore que la foi seule peut sauver, lors même que l'on s'abandonnerait à ses crimes? Cette croyance criminelle, l'apôtre Saint Jacques la combat ouvertement, si quelqu'un, dit-il, affirme qu'il a la foi, mais sans en remplir les œuvres, sa foi pourra-t-elle le sauver? Jacques 2, 14. C'est la même pensée qu'exprime Saint Paul en affirmant que c'est à cause de ces mots que la colère de Dieu a frappé les enfants de l'infidélité. Il ajoute, et autrefois vous étiez de ce nombre quand vous viviez dans ces crimes. N'est-ce pas nous dire qu'ils n'y vivaient plus? Ils étaient morts à ces crimes, afin que leur vie fût cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Ils ne vivaient plus dans ces crimes, et cependant il leur est encore ordonné de les mortifier. N'est-ce pas faire entendre clairement que ces crimes vivaient encore en eux, comme je l'ai prouvé précédemment? S'ils parlent de leurs membres, il entend parler de ces vices qui habitaient dans leurs membres, il prenait ainsi le contenant pour le contenu. C'est dans le même sens que l'on dit, tout le forum s'écria, pour signifier que ce sont les hommes qui étaient sur le forum qui s'écrièrent. Le psalmiste emploie la même figure quand il chante, que toute la terre vous adore, psaume 65, 4. Car c'est dire, que tous les hommes de la terre vous adorent. Maintenant donc, vous aussi, déposez tous ces vices, Colossiens 3:1 à 8, s'écria l'apôtre en signalant les vices de ce genre. Pourquoi ces mots, vous aussi, et ne pas se contenter de ceux-ci, déposez tous ces vices, pour empêcher de croire qu'on pouvait commettre ces crimes, et cependant vivre sans crainte, parce que la foi serait un abus contre les coups dont Dieu frappe les enfants d'infidélité. L'apôtre dissipe cette illusion. Déposez, dit-il, vous aussi, ces vices qui attirent la colère de Dieu sur les enfants d'infidélité, gardez-vous de croire que ceux-ci ne sont frappés que parce qu'ils n'ont pas la foi, et ne vous promettez pas l'impunité, à cause de votre foi. Or, imposer ce précepte à des hommes qui s'étaient déjà dépouillés de ces vices, en ce sens du moins qu'ils n'y consentaient pas et qu'ils refusaient de faire de leurs membres des armes d'iniquité, n'était-ce pas leur faire entendre clairement que ce dépouillement de tous les vices est le caractère propre et l'unique préoccupation de la vie des saints sur la terre? En effet, tant que l'esprit convoite contre la chair, le grand devoir de l'homme, c'est de résister aux délectations coupables, aux passions impures, aux mouvements charnels et honteux, et d'y trouver un contrepoids dans les douceurs de la sainteté, dans l'amour de la chasteté, dans la force spirituelle et dans la beauté de la continence. Alors seulement on peut dire en toute vérité que ces vices sont déposés quand ils le sont par ceux qui y sont morts et qui refusent d'y vivre en refusant d'y consentir. Ils sont déposés quand ils sont enchaînés par une continence perpétuelle qui leur rend impossible toute résurrection. Mais si, trompés par une fausse sécurité, on croit pouvoir cesser cette lutte, aussitôt ces vices s'emparent de nouveau de la forteresse de l'âme, la renversent à leur tour, et la réduisent à une triste et honteuse servitude. Alors aussi le péché régnera dans le corps mortel de l'homme, le forcera d'obéir à ses désirs, bientôt les membres deviendront des armes d'iniquité, Romains 6, 12, et le dernier état sera pire que le premier. Matthieu 12, 45. Il eût été préférable de ne point engager ce combat, plutôt que de le quitter après l'avoir commencé, et de rester vaincu après avoir été un généreux combattant, voire même un vainqueur. Aussi le Seigneur ne dit pas, celui qui commencera, mais bien, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Idem, 10, 22. Soit que nous combattions avec courage, pour ne pas succomber, soit même que parfois, aidés d'une généreuse inspiration ou d'une circonstance heureuse, nous remportions la victoire, rendons toujours grâce à celui qui nous donne la continence. Souvenons-nous de ce juste, qui, au sein de l'abondance, s'écria un jour, « Rien ne pourra jamais m'ébranler. » Bientôt il reconnut qu'il avait été téméraire en s'attribuant à lui-même un don qui ne lui venait que du ciel. Lui-même nous en fait l'aveu, car il ajoute aussitôt, « Seigneur, c'est vous qui avez bien voulu donner la vertu à ma gloire, Vous avez un instant détourné votre face, et j'ai été confondu. Psaume 29, 7, 8. La Providence, pour le guérir, permit qu'il fût un instant abandonné à lui-même, de crainte que, poussé par un funeste orgueil, il n'abandonna son unique soutien. Dès lors, soit en ce monde, où nous avons toujours à lutter pour enchaîner nos vices et pour les affaiblir, soit au ciel, où nous cesserons d'avoir des ennemis, parce que nous jouirons d'une santé parfaite. Toujours conformons-nous à cet avis salutaire, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 31. L'œuvre complète de Saint Augustin, tome 12e, édition Guérin et Compagnie éditeur, 1868. Markem d'anarchive.org 2021, d'après ABI Saint-Benoît CH et Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique, de la continence.